Chapitre 24e. En écrivant à Thérèse, le colonel ne pouvait pas ne point parler de Michel, et il le faisait toujours d'une manière incidente dont la lettre qu'on vient de lire peut donner une idée. Jamais il ne manquait de rendre justice aux qualités de son commandant, reconnaissant ses mérites, célébrant son courage et sa prudence. De ce côté, il agissait avec une parfaite loyauté, sans le moindre sentiment de jalousie. Michel était un bon chef, estimé de ses soldats, brave au feu, ménageant la vie de ses hommes, veillant à leur santé, prenant soin de leurs besoins, et il le disait. Mais il ne disait que cela, et son silence sur tous les autres points était significatif. Thérèse le comprenait, et elle s'efforçait de lire entre les lignes des lettres qu'elle recevait aussi bien de son futur mari que de son cousin. Car Michel aussi lui écrivait, et dans toutes ses lettres, il parlait de votre cousin Édouard. Mais il parlait du cousin Édouard exactement comme celui-ci parlait du commandant Michel. Jamais il ne manquait de rendre justice aux qualités du soldat admirable qu'il avait sous ses ordres, alors que lui-même eût dû être sous les ordres de ce soldat devenu leur chef. De ce côté, il agissait lui aussi avec une parfaite loyauté et sans laisser paraître le moindre sentiment de jalousie. Monsieur Édouard était le meilleur soldat du bataillon, adoré de ses camarades, intrépide au feu, infatigable, toujours prêt pour toutes les besognes, aussi bien celles où il fallait verser son sang que celles où il fallait verser sa sueur. Ce qui n'est pas moins méritant souvent, mais ce qui est beaucoup plus rare, et il le disait. Mais lui aussi, il ne disait que cela. Et Thérèse avait beau chercher entre les lignes, elle ne parvenait pas à découvrir autre chose que ce silence, voulu d'un côté comme de l'autre, pour l'éclairer et lui montrer ce qui se passait entre eux. Elle avait interrogé Denisot aussi adroitement qu'elle avait pu. Mais Denisot appartenait à la classe des braves gens qui voient ce qu'on leur montre, sans jamais rien deviner de ce qu'on leur cache, ne soupçonnant même pas qu'on peut leur cacher quelque chose. Mais Denisot n'expliquait qu'une chose à Thérèse, les mérites de son cousin. Ses mérites, elle les connaissait et même elle ne les connaissait que trop. Il était donc irrésistible pour tout le monde, comme pour elle. Et ses conquêtes, ce n'était pas à la fortune qu'il les devait. C'était à des qualités qu'il n'était pas nécessaire qu'on lui expliquât. Avant qu'il partît, elle savait bien qu'il serait elle qu'il venait de se montrer. Elle eût voulu qu'on lui parlât de Michel, puisque c'était Michel qu'elle devait épouser, qu'elle devait aimer. N'était-elle pas engagée envers lui? N'avait-elle pas encore, dans leur dernière entrevue, librement renouvelé cet engagement? Pourquoi, de tous côtés, s'entendait-on pour mettre son cousin au premier rang? Car il n'y avait pas à s'y méprendre. C'était lui qui était le vrai commandant du bataillon. C'était en lui qu'on avait confiance. C'était sur lui qu'on comptait. Non seulement il devrait être chef du bataillon, disait Denisot, mais encore général de toutes les armées à la place de Trochu, qu'il démonétisait. Parce que, voyez-vous, Trochu, il parle bien, mais enfin, c'est un sauriol. Mais ce n'était pas ce qu'elle demandait. Ce qu'elle voulait savoir, c'était ce qui s'était passé, ce qui se passait entre eux, et cela précisément, personne ne pouvait le lui dire. Il s'était passé ce qui devait fatalement résulter de la réunion de ces deux ribauds. Leur antagonisme, tout d'abord soigneusement contenu par l'un aussi bien que par l'autre, était devenu une inimitié déclarée. Le premier chagrin de Michel avait été causé par ses lettres, que Thérèse écrivait au colonel. Il avait d'autant plus cruellement souffert qu'il ne pouvait se plaindre à personne, pas plus à Antoine qu'à Thérèse elle-même. Ne devait-elle pas rendre compte de ce qui se passait à l'ambulance qu'elle dirigeait, à celui qui avait organisé cette ambulance et qui, malgré son absence, en était resté le véritable maître? Pour tous, cette conduite était parfaitement naturelle. Pour tous, excepté pour lui, passionnément jaloux. Et comment ne l'eût-il pas été alors que tout semblait se réunir pour exciter cette jalousie? Ce n'était pas seulement auprès de Thérèse qu'il avait à lutter contre l'influence du colonel, c'était encore dans son bataillon même et auprès de ses amis. Du matin au soir, dans toutes les circonstances, à propos des choses importantes comme des choses insignifiantes, on l'écrasait avec le nom d'Édouard. Antoine, ses officiers, ses soldats, ses camarades, tout le monde avait ce nom dans la bouche. Il émettait une idée, on répondait que c'était l'avis d'Édouard. Il était embarrassé, on lui disait qu'il fallait consulter Édouard. Il y avait une mission difficile à remplir, on lui conseillait d'en charger Édouard. Le vrai commandant du bataillon, c'était le colonel, avec sa vareuse de simple soldat. Cependant, il fallait reconnaître que ce commandement de fait ne se permettait jamais la moindre critique des actes ou des paroles du commandant de droit. On l'interrogeait, il donnait simplement son avis. On ne l'interrogeait pas, il ne disait rien, n'approuvant pas, mais ne blâmant pas davantage. Cet uniforme en drap fin que Michel portait, cette épée qu'il tenait dans sa main, lui était une souffrance. N'était-ce pas le colonel qui les avait payés, et qui, par une sorte d'ironie, n'avait voulu pour lui-même qu'une vareuse en drap grossier et qu'une simple baïonnette? Cette position respective des deux rivaux amenait entre eux des froissements continuels, où l'avantage restait presque toujours au colonel. En plus de toutes les supériorités que lui donnait la fortune et l'attitude qu'il avait su prendre, n'avait-il pas encore celle que lui donnait l'éducation et le savoir-vivre? Il avait pu étudier, il avait pu voir les choses et les hommes, Michel n'avait pu que travailler. Sans aucune forfanterie, et avec la conscience de ce qu'il était et de ce qu'il valait lui-même, Michel se croyait son égal pour le cœur et le caractère, mais pour tout le reste, combien lui était-il inférieur? Combien de fois n'avait-il pas la douleur de constater lui-même cette infériorité? Cependant, malgré tout ce qu'il y avait de mauvais dans sa situation, Michel n'avait jamais admis un seul instant qu'il devrait se retirer devant ce rival. Il lutterait jusqu'au bout. En somme, il avait aux mains une arme puissante, le double engagement pris par Antoine et par Thérèse. Cet engagement, Thérèse l'avait renouvelé et affirmé le jour où ils s'étaient séparés. Et avec Antoine, s'il n'avait pas demandé la confirmation de cet engagement, c'était parce qu'il savait cette confirmation parfaitement inutile. C'était là la force de Michel, et elle était grande. Cette force, le colonel la connaissait tout aussi bien que lui. Et la lutte sourde qui existait entre eux, depuis leur réunion dans ce bataillon, la lui montrait plus redoutable qu'il ne l'avait cru tout d'abord. Il n'était plus au temps où il disait à Antoine « J'irai trouver Michel, je m'expliquerai avec lui, et je lui demanderai Thérèse, il ne pourra pas me la refuser. » Il était convaincu maintenant qu'il la lui refuserait parfaitement, et même, à vrai dire, il n'aurait plus osé lui adresser une pareille demande, certain à l'avance de la réponse. « Vous aimez Thérèse, c'est bien. Vous aime-t-elle? Interrogeons-la. » Et tant que Thérèse ne serait pas libre, que son père ne lui dirait pas qu'il l'était lui-même, elle n'avouerait jamais assurément l'amour qui était dans son cœur et qui pour elle était un amour coupable. Comment leur rendre à l'un comme à l'autre cette liberté? C'était ce qu'ils ne voyaient pas, et ce qu'ils cherchaient sans trouver des moyens acceptables. Évidemment, la situation était difficile et jusqu'à un certain point sans solution efficace. Une seule se présentait, brutale, mais simple. Il fallait que l'un d'eux disparût. Pourquoi cela n'arriverait-il pas un jour ou l'autre? Ils étaient en guerre, aussi exposés l'un que l'autre à la mort. Et pourquoi l'un d'eux ne serait-il pas tué par une balle? Cette solution radicale tranchait rapidement toutes les difficultés. Deux hommes se présentaient pour épouser Thérèse, l'un disparaissait, elle devenait la femme de celui qui restait. Une pareille idée aurait pu paraître monstrueuse à un honnête bourgeois qui l'aurait eue en rêvant à sa fenêtre devant les étoiles. Mais le colonel n'était point un bon bourgeois, il était soldat, et dès sa jeunesse il s'était habitué à l'idée de la mort, faisant bon marché de sa vie comme de celle des autres. Il y avait un résultat important à obtenir, c'était avec la vie humaine qu'on l'achetait et qu'on le payait. Cette monnaie qu'on appelle la vie humaine change considérablement de valeur, selon qu'elle est dans telle ou telle main. Les uns en sont avares, les autres en sont prodigues, cela dépend des éducations. Pendant 4 années, le colonel l'avait chaque jour largement dépensé, et il avait pris là des habitudes de prodigalité qui avaient influé sur son caractère. En avant, et au plus heureux des deux. La bonne chance avait voulu que jusque-là il fût le plus heureux. Ce n'était pas au-devant de Michel qu'il devait maintenant s'élancer comme au temps où il chargeait les sudistes. C'était à ses côtés qu'il marchait. Mais cela n'empêchait pas la bonne chance de se prononcer encore. La devise était la même, au plus heureux des deux. Aussi, plus que personne, regrettait-il d'être enfermé dans cette boucle de la Marne, où les occasions de marcher au feu seraient rares. Être tué au coin d'un mur ou dans un trou, tout seul, bêtement, tristement, cela ne rentrait plus dans son programme. Le résultat, il est vrai, n'en existait pas moins. Que ce fût lui qui fut tué dans son trou, ou bien que ce fût Michel qui reçut une balle au coin d'un mur, en faisant une ronde, dans l'un comme dans l'autre cas, Thérèse devenait libre et le rival avait disparu. Mais ce n'était point ainsi qu'il comprenait ces disparitions. Quand cette idée se présentait à son esprit, il ne l'admettait qu'avec une sorte de lutte chevaleresque. En avant pour Thérèse, et la main de Thérèse devenait le prix de ce tournoi. Mais, hélas, quand pourrait-il pousser ce cri en avant? Comme il se disait que le siège se passerait peut-être tout entier sans que cette occasion se présentât, l'ordre arriva de se tenir prêt à marcher. Tandis qu'une compagnie du bataillon devait rester dans la boucle pour garder ses positions, une autre devait participer d'une manière active à l'expédition qui se préparait. Et justement, ce fut la compagnie à laquelle il appartenait qui fut désignée pour marcher avec Michel comme commandant. Enfin !